Frères et sœurs, depuis le 25 décembre, les événements de la Nativité du Seigneur se déroulent devant nous et déploient toute leur poésie sous nos yeux. Poésie qui fait dialoguer, vous savez, le ciel avec la terre et qui les unit en Jésus-Christ. Le dialogue entre le ciel et la terre, l'union du ciel et de la terre, vous avez là, frères et sœurs, la définition de ce qu'est la beauté. L'union du ciel et de la terre, elle ne se réalise pleinement que dans le Christ Jésus, venu du ciel pour vivre avec nous sur la terre. Nous avons vu depuis 10 jours, alors que le Messie, Dieu fait homme, était à peine emmitouflé dans ses langes déposés dans la mangeoire de Bethléem, les anges du ciel qui annoncent la naissance aux bergers de la terre. Et ce fut l'occasion pour les plus pauvres d'entre les pauvres de s'approcher du roi de l'univers pour l'adorer. Quelle beauté, quelle beauté. 8 jours plus tard, le 1er janvier, nous avons célébré la maternité divine de Marie. Cette jeune fille d'Israël, de la terre d'Israël, comblée de la grâce qui vient d'en haut et qui devenait, en enfantant son premier-né, la mère de Dieu. La mère de Dieu. Quelle beauté! Et à cette occasion, nous avons entendu les vagissements de Jésus alors qu'il recevait la circoncision. Vous savez, ce signe de l'alliance entre Dieu et Abraham. Quelle beauté! Dieu, l'auteur de l'Alliance, devenait par la circoncision le sujet de l'Alliance pour pouvoir sceller à tout jamais une alliance complètement nouvelle, une alliance éternelle avec l'humanité tout entière. Vous vous souvenez, la première, toute première alliance faite entre Dieu et les hommes, elle avait été faite avec Noé. Juste après le déluge, alors que le ciel avait englouti la terre sous les eaux. Et le signe qui rappelle cette alliance tout au long de l'histoire, vous le connaissez, c'est l'arc-en-ciel. Dans le ciel, justement, en cette nuit de Noël, s'est levé un nouveau signe. Pour la nouvelle alliance avec toute l'humanité cette fois-ci. Un signe visible par tous. Sur toute la terre, une étoile scintillante comme aucune autre. Alors, les prophètes l'avaient annoncé au peuple d'Israël, mais les grands sages et les savants d'Orient, vous savez, qui n'étaient pourtant pas des juifs eux-mêmes, connaissaient évidemment les paroles des prophètes du peuple élu. Depuis près de 6 siècles, les Babyloniens avaient découvert la puissance des oracles du Dieu d'Israël, particulièrement avec le prophète Daniel, qui avait été déporté avec tous les juifs de Jérusalem à Babylone. Daniel avait été épargné par les lions dans la fosse, par la puissance du Dieu d'Israël. Et puis Ananias, Azarias et Misaël, ses 3 compagnons, épargnés par les flammes, sortis intacts de la fournaise, dansant au milieu du feu, par la puissance du Dieu d'Israël. Les mages d'Orient, avaient parmi les disciplines reines de la sagesse, au premier chef, l'astronomie. C'est ainsi, depuis la nuit des temps, les hommes scrutent le ciel. Ils regardent les étoiles et ils y décèlent les traces de l'origine du monde, c'est-à-dire ils lisent les messages de Dieu. Immédiatement après que l'étoile se soit levée à l'Orient, les mages qui n'ont rien perdu de cet événement se rassemblent. Ils se mettent ensemble et mettent en commun leurs hypothèses. Et très très vite, bien sûr aidés par l'Esprit Saint qui les assiste, ces mages d'Orient, ils sont assistés par le Saint-Esprit, il assiste toujours tous ceux qui cherchent honnêtement à connaître la vérité. Ils vont donc conclure qu'il s'agit de l'étoile qui avait été prophétisée justement par Daniel. Et cette prophétie qui avait été reprise par Zoroastre et par tous les grands mages d'Orient. Une étoile sortira de Jacob, un sceptre s'élèvera pour Israël. Et voilà donc nos mages montés sur leurs chameaux majestueux, chargés de présents et accompagnés de leur suite royale, en direction de cette étoile qui annonce la naissance d'un grand roi, le roi des Juifs. Alors la tradition parle de trois grands rois, les rois mages. Mais l'Évangile ne précise pas s'ils sont rois, et ne précise non plus s'ils sont trois. Pour ma part, je les imagine beaucoup plus nombreux. Et puis, je les imagine de tout niveau social, tous des chercheurs de Dieu. Ils sont suffisamment nombreux, en tout cas, pour que la caravane soit impressionnante. Ces grands chameaux, couverts de laine, de lin fin, et ces hommes magnifiques, vêtus amplement de soie, le turban parfaitement enroulé autour de la tête, tissé de lazuli, de pourpre, d'ocre et broché d'or. Ils prennent la route, lentement, poussés par la force invisible de l'Esprit de Dieu, en direction de cette étoile qu'ils suivent comme si elle venait de leur intuition. Frères et sœurs, les mages d'Orient, ce sont tous ces chercheurs de Dieu, tous ces hommes, toutes ces femmes qui scrutent le ciel, attentifs aux moindres signes. Ce sont tous les hommes, les femmes de la terre qui n'ont pas encore rencontré Jésus, qui n'ont pas encore rencontré en personne le Sauveur du monde, qui n'ont pas encore fait l'expérience de la crèche, mais qui ont le cœur droit, honnête, attentif aux vérités. Et même si ce cœur n'est pas toujours pur, parce qu'il est impossible que le cœur de l'homme blessé par le péché soit pur, même si ce cœur n'est pas toujours pur, il est assisté de la force de Dieu qui l'attire toujours vers le Christ à travers des signes. Frères et sœurs, le Saint-Esprit attire tous les hommes vers le Christ, quels qu'ils soient, quelle que soit leur couleur de peau, leur origine, leur milieu social, quel que soit leur péché, ils sont attirés par le Christ, même s'ils ne le savent pas et qu'ils refusent souvent les appels de l'Esprit. Ces signes du ciel, ils sont de toutes sortes. Ce sont parfois des coïncidences troublantes. Parfois, ce sont des épreuves mystérieuses. Parfois même, ce sont des songes. Mais ces étoiles qui brillent à l'Orient ont toujours besoin d'une explication, d'une prophétie, pour trouver leur véritable sens et pour mettre en route les chercheurs de Dieu dans la bonne direction. Ces prophéties aujourd'hui, frères et sœurs, c'est l'Église de Dieu qui en est la gardienne. C'est nous qui sommes les témoins, qui avons rencontré Jésus dans la crèche, qui avons un jour été touchés au plus profond de notre cœur par la beauté du Christ, par sa miséricorde. Nous qui avons eu la grâce de faire l'expérience de l'amour de Dieu fait chair et qui renouvelle son mystère tous les jours à la messe. Frères et sœurs, c'est par le témoignage de ta vie transformée par la présence de Jésus dans ton âme. Par ce témoignage, tu annonces la naissance de Jésus dans la crèche de ton cœur, et tu indiques la direction. Cette étoile de Bethléem, c'est au final dans ton regard, dans tes paroles, dans tes gestes, dans ta prière, qu'elle prend tout son sens, qu'elle éclaire la nuit des chercheurs de Dieu. Cette étoile de Bethléem, frères et sœurs, vous la montrez lorsque vous venez ici dans cette église le dimanche, quand vous venez adorer Dieu, quand vous arrivez ici peut-être un petit peu en avance et que le Saint-Sacrement est exposé ici sur l'autel et que vous vous mettez à genoux. Non pas assis, les bras croisés, les jambes croisées, en attendant que ça se passe, mais bien à genoux, les yeux, l'âme, le cœur tournés vers l'étoile, vers le Seigneur. Alors revenons-en à nos mages de l'Évangile. Nous ne les rencontrons vraiment qu'à leur arrivée à Jérusalem. L'étoile a disparu depuis peut-être quelques jours Et c'est tout naturellement qu'ils se sont dirigés vers la capitale de la Judée et qu'ils demandent à tous où se trouve le roi des Juifs qui vient de naître. Mais alors, à leur grand étonnement, personne à Jérusalem n'a entendu parler de cette histoire. Mais enfin, personne à Jérusalem n'est au courant de la naissance. Vous avez vu son étoile se lever à l'Orient. Vous n'êtes pas à venir vous prosterner devant lui. C'est votre roi. Alors, frères et sœurs, la vérité, c'est qu'à Jérusalem, la grande ville, la ville sainte, là où on devrait trouver la plus grande piété de la part d'un peuple consacré à Dieu, eh bien, ça fait bien longtemps qu'on ne regarde plus le ciel. Ah, on regarde bien les questions terrestres, par contre. Hein. Les budgets, les finances, le pouvoir d'achat, les questions terrestres, les crises politiques qui se répètent, les affaires judiciaires, les affaires sociales qu'on met en lumière, les affaires politiques à répétition, les scandales, l'envahisseur. On se préoccupe de beaucoup de choses à Jérusalem. Mais alors, pas du tout de savoir si Dieu a quelque chose à dire au milieu de tout ce fatras de choses humaines. Au contraire, si jamais Dieu venait à se mêler de nos affaires, on lui expliquerait gentiment de nous laisser tranquilles. C'est bon, on gère, on va gérer. Et c'est exactement ce que va faire Hérode, le grand roi de Jérusalem, en apprenant que le roi des Juifs vient de naître. Hérode sait effectivement que certaines prophéties annoncent qu'un roi de droit divin de la maison de David doit arriver incessamment. Mais naturellement, ça ne l'arrange pas, puisque le roi, c'est lui. Alors, il monte sa petite enquête et il élabore son plan pour s'assurer que le ciel ne vienne surtout pas mettre son nez dans ses affaires. Il se renseigne donc sur la date et le lieu de la naissance du petit qu'il va falloir éliminer à tout prix. Et il envoie en reconnaissance les mages qui ne se doutent pas encore de ses intentions. Ces derniers prennent donc la direction de Bethléem. Et voilà que l'étoile apparaît de nouveau. Et aussitôt, les mages sont saisis d'une immense joie. Encore une fois, frères et sœurs, ils constatent dans toute cette affaire que c'est Dieu qui est aux manettes. Si l'étoile avait disparu pendant un temps, si les signes s'étaient estompés, si Dieu s'était fait silencieux, c'était pour que soit mise en lumière la folie et l'égarement d'Hérode et des Juifs de Jérusalem. Tout est dans la main de Dieu. Alors, pas de panique, si Dieu se tait parfois. Il saura bien nous conduire malgré tout, selon son plan. Alors, encore une fois, voyez, les Juifs, les mages constatent que Dieu est là. L'étoile vient s'arrêter au-dessus du lieu où se trouve Jésus. La caravane donc s'avance et s'arrête maintenant à l'entrée de la crèche. Les grands mages descendent de leurs chameaux et détachent les présents préparés avec soin. En entrant dans le palais de Jésus, la crèche, leur souffle se coupe devant le spectacle de la pauvreté et de la beauté absolue. La crèche, c'est le palais du roi du monde. Joseph est là, silencieux comme toujours. Marie, toute pure, se tient assise auprès de la mangeoire et désigne l'enfant Jésus, qui irradie la pièce d'une lumière invisible. La présence sensible de Dieu saisit nos mages et va les écraser au sol. Leurs genoux se ploient, leur visage s'enfonce dans la paille, mais qu'est-ce qui leur arrive? Dieu est là, Dieu est présent physiquement et il parle à leur cœur. Et je voudrais vous dire ce qu'il leur dit, bien que ce ne soit pas écrit dans l'Évangile. Il leur dit, voilà, je suis là. Je suis celui que vous avez toujours cherché. Je suis celui qui vous accompagne depuis toujours. Je suis celui qui a toujours été là, le Créateur de l'univers. Je suis votre Créateur. Je ne vous ai jamais oublié, je ne vous ai jamais abandonné. Si nous regardons bien les mages, frères et sœurs, alors qu'ils sont en train de se redresser, nous voyons les larmes qui coulent, j'en suis sûr, de leurs yeux. Dieu est là. Dieu est là, bien-aimé. C'est ce qu'il faut retenir de toute cette histoire. Il y aurait bien des choses à dire, mais c'est l'essentiel. Dieu est là, c'est lui, et c'est lui seul qui tire les ficelles de la grande histoire. Même si tout homme conserve sa liberté de le chercher dans les signes du ciel ou de rester les yeux rivés sur le sol, comme Hérode à Jérusalem, Dieu est là et c'est lui qui tire les ficelles. Alors, frères et sœurs, j'espère que cette histoire a pu toucher quelque chose dans notre cœur, à nous aussi. Et que nous aussi, en ce temps de Noël, nous avons pu rencontrer notre Dieu. Nous avons pu le voir, nous laisser toucher par lui. Pour que l'étoile s'allume dans nos yeux et au-dessus de notre tête et qu'elle attire tous ceux qui cherchent Dieu avec un cœur droit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen.